le roi des bûcherons, on m'appelle l'homme Jack. J'ai fait le tour du Canada, j'ai fait le tour des grands. La maison de la Tipitoum, tant que je suis capable d'en couper. Je suis né dans le bois, mais je vous dis que je connais ça. Le bois rouge ou le bois blanc, le bois mou, le bois franc. Je peux les différencier car c'est mon métier de les marquer. Je suis fort à bras et j'ai de bas poignets. Pour me tenir en forme, je vais me taper sur tous mes cordes d'acier mécanique, je suis capable de l'allumer. Quand j'ai besoin de ma hache, je suis capable de la filer. Quand j'écris Timber, je vais bien vite vous reculer. Je vous dis que ça sera pas long, vous allez voir, ça va tomber. Car je travaille du petit jour, le matin au coucher du soleil. Oui, mais si j'ai branche, je vous dis que ça va de la planche. Ça passe au moulin, le lendemain matin. Je suis content de mon ouvrage et mon métier, je suis bien payé. J'fais beaucoup d'argent, ça m'arrive de temps en temps d'aller faire un tour en ville pour aller voir les belles petites filles. J'fais le tour des brasseries avec celles que j'ai choisies. Et quand je suis cassé, je m'en retourne à les chantiers. Je suis le grand champion du Canada et des États. Croyez-moi pas, j'en ai bûché du bois. L'océan Pacifique à l'Atlantique avec ma vieille chainsaw. De tous les lumberjacks que j'ai rencontrés, j'en ai jamais vu un qui était capable de m'accoter. Si ça vous tente, vous essayez, vous êtes bien mieux d'aller vous pratiquer.